Chapitre 17e. Par cela précisément que Madame Beaujolnier était vraiment charmante, le marquis se trouva inquiété. Comment une femme pareille en était-elle réduite à se faire institutrice? La gêne, sans doute, peut-être la misère. Mais qui avait amené cette gêne? C'était là ce qu'il fallait apprendre. Connaissant les relations du capitaine Beaujolnier avec les marchands de chevaux des Champs-Élysées, le marquis résolut de commencer par là son enquête. Le mari pouvait expliquer la femme, au moins il pouvait expliquer sa détermination. Propriétaire d'un haras célèbre, le marquis était connu de tous les marchands de chevaux de Paris. Le premier qui l'interrogea ne put pas satisfaire sa curiosité. Il connaissait le capitaine pour un cavalier remarquable et c'était tout. Le second fut plus explicite. Si monsieur le marquis était arrivé une heure plus tôt, il aurait vu le capitaine Beaujolnier qui précisément vient de prendre un de mes chevaux pour aller faire un tour au bois. Il vous prend des chevaux tous les jours? Il me prend, c'est-à-dire que, comme il monte très bien, je lui donne un cheval, tantôt l'un, tantôt l'autre. En un mot, vous vous rendez mutuellement service. Précisément, monsieur le marquis a dit le mot, c'est un vrai homme de cheval. Par malheur, la fortune lui manque. Et de quoi vit-il, ostensiblement? De bien des métiers. Il écrit dans un journal de sport. Bien entendu, il ne fait pas les premiers articles, il n'a pas assez de raisonnement pour cela. Mais ceux qui donnent la marge de la course, vous savez, contrebande et Pietro partent en tête, la musique est dernière. Ça ne demande que de bons yeux et un crayon agile. Il est aussi le correspondant du Sporting Life. Au betting, il fait les paris du duc. Enfin, il a encore ce que vous lui faites gagner, n'est-ce pas? Mais il me semble que tout cela ne constitue pas quelque chose de solide. Les bénéfices sont encore assez considérables, additionnés bout à bout. Mais fût-il 2 fois, 10 fois plus fort, il serait encore insuffisant. Le capitaine est ce que nous appelons un panier percé. Rien de ce qu'on y met n'y reste. Une seule ouverture pour l'emplir, 20 pour le vider. Joueur comme les cartes, déjeunant bien, dînant mieux, soupant comme si c'était son unique repas, et avec cela des passions. Mais il est marié? Je crois bien. Et il a un joli petit amour de femme encore. Mais il ne faut pas que monsieur le marquis se figure que c'est le mariage ou que c'est une femme qui peut retenir le capitaine. Un terrible homme, je vous le jure. Moi qui pourtant en ai vu de tous les genres, je vous avoue que celui-là me fait quelquefois peur quand je l'entends causer. Ce ne sont pas les préjugés qui l'ont empêché de réussir dans la vie, vous pouvez me croire. Et qui l'a empêché? Ses vices, monsieur le marquis. Ce sont ses vices qui l'ont fait sortir de l'armée. Pas précisément. Parce que dans l'armée, vous savez, on n'est pas toujours très bégueule. Mais pour la satisfaction de ses vices, le capitaine a été trop loin. Et on l'a forcé à donner sa démission. Qu'appelez-vous trop loin? Dame, monsieur le marquis, ça c'est une histoire et je ne la sais pas très bien. Car vous devez croire que le capitaine ne la raconte pas. Il se vante pourtant de bien des canailleries, mais pas de celle-là. Enfin, vous avez entendu raconter cette histoire. On dit donc que quand le capitaine eut fini de croquer la fortune lui venant de son père, il demanda à passer dans la remonte. Parce que dans la remonte, vous savez, on a un certain maniement d'argent, et quand on le veut, on peut se faire graisser la patte. Avec sa connaissance du cheval, c'était la vraie place du capitaine. On ne s'arrêta pas à cette considération, sans examiner ou bien sans connaître toutes celles qui lui étaient contraires, et on l'envoya à Saint-Lô. Au bout d'un an, ce qui devait arriver arriva. On constata de graves irrégularités dans sa caisse, et de plus, il y eut quantité d'éleveurs qui se plaignirent de ne pas avoir touché le prix des chevaux que le capitaine était censé leur avoir payé. Il fallait passer en justice ou donner sa démission. Le capitaine avait des amis et des protecteurs, on étouffa l'affaire, et l'on se contenta de sa démission. Ce fut alors qu'il vint à Paris dans la dernière des misères, car il avait dû restituer les sommes détournées. Voilà l'histoire au moins telle qu'on la compte. Je vous remercie. Si vous tenez à savoir la vérité vraie, je vous engagerai à vous renseigner auprès d'officiers de son ancien régiment ou bien au ministère, si vous y connaissez quelqu'un qui veuille bien parler. Cet entretien avait lieu au milieu d'une de ces allées sablées de sable jaune qui s'ouvrent sur les Champs-Élysées. À ce moment, un cavalier parut au bout de cette allée. Voilà précisément notre homme. Et le marquis, qui savait comment on monte à cheval, admira le capitaine lorsqu'il passa devant eux. Le cheval, plein d'écume, montrait que la leçon qu'il venait de recevoir avait été rude. Le capitaine était calme et froid, sa tenue était d'une correction irréprochable. « Ça ira, » dit-il au groom qui vint en devant de lui. « Seulement, quand vous le sortirez, mettez-lui des rênes de sûreté. » Puis il se dirigea du côté où se tenait le marchand de chevaux. C'était un homme de 35 à 38 ans, de taille moyenne, maigre et sec. Sa tête avait de la finesse. Sur la blancheur mate de son visage se dessinaient des moustaches noires en croc. Ses cheveux étaient coupés en brosse. Sa physionomie était dure, son attitude hautaine. Sa taille fine était serrée dans une redingote bleue, au revers de laquelle se montrait un ruban rouge. Un pantalon à la hussarde laissait voir ses pieds petits et cambrés. Son chapeau était incliné légèrement sur l'oreille en vainqueur. Arrivé à une courte distance du marquis, il le toisa des pieds à la tête, avec tout le mépris qu'un roquet éprouve naturellement pour un colosse. Puis, pirouettant sur le talon, il se mit à se promener de long en large, sifflant une valse et de temps en temps coupant l'air devant lui avec sa cravache. « Allez donc à lui, » dit le marquis au marchand de chevaux, « il paraît vouloir vous parler. » En effet, il avait à dire une chose très intéressante pour lui et intime, Saint-Cloud y a demandé. « Mon capitaine, c'est impossible, vous êtes trop en avance. » « Un louis alors, j'en ai absolument besoin, c'est impossible. Vous ne me refuserez pas 100 sous au moins. » Les 100 sous ne furent pas refusés. Le marquis, par ce qu'il avait entendu et ce qu'il avait vu, en savait assez sur le compte du capitaine. Il n'avait pas besoin d'en apprendre davantage. Avec un pareil mari, il était tout naturel que Madame Beaujonnier voulût quitter Paris et se faire une vie indépendante. Cette intention était même une bonne note en sa faveur, la pauvre malheureuse. Son enquête terminée du côté du mari, il la commença du côté de la femme, car le mot de son ami, « je vous la recommande sous tous les rapports », n'était pas suffisant pour le rassurer. Il voulait quelque chose de plus net que cette phrase banale. Pourquoi? Comment était-elle recommandable? D'où venait-elle? Qu'était-elle? Mise en rapport avec le père de la jeune fille dont Madame Beaujonnier avait fait l'éducation, il obtint des réponses précises à toutes ces questions. Madame Beaujonnier, née Clémence Aubriot, avait eu pour père un artiste, un musicien, qui n'ayant rien à laisser à sa fille et se sachant condamné à mourir jeune, avait fait donner à son enfant qu'il adorait une éducation solide et brillante, espérant qu'avec cette éducation, elle pourrait, le jour où elle resterait seule, se tirer d'affaire dans la grande bataille de la vie qui pour lui avait été rude. Il était mort au moment où Clémence allait atteindre ses 18 ans, et alors celle-ci s'était fait institutrice. L'instruction qu'elle avait donnée à son élève avait été parfaite et pendant 3 ans ne lui avait mérité que des éloges. Les seuls reproches qu'on eût pu lui adresser auraient porté sur son caractère qui était un peu trop dur, sur sa volonté qui était trop obstinée, et sur sa coquetterie qui était un peu trop vive avec certaines gens, mais cependant sans que jamais rien de grave se fût produit, besoin de plaire, sans engagement de sa part. À 21 ans, elle avait voulu épouser le capitaine Beaujonnier, qui était alors un brillant officier, menant grande vie et très lancé. Malgré les observations amicales qui lui avaient été faites sur les dangers d'un mariage avec un homme de ce caractère, elle avait persisté dans son désir. L'aimait-elle? Cela n'était pas prouvé. Mais il était certain qu'elle avait horreur de la dépendance dans laquelle sa position la maintenait. Le mariage était pour elle l'affranchissement. Le marquis fut un peu effrayé par cette coquetterie et cette ambition. Mais comme, d'un autre côté, les renseignements qu'on lui donnait étaient excellents, il se décida à accepter Madame Beaujonnier pour institutrice, et tout de suite, il voulut aller lui annoncer qu'il partirait le lendemain. L'adresse qu'elle lui avait donnée était rue du Faubourg Saint-Honoré. Il trouva au numéro indiqué une maison meublée d'assez mauvaise apparence, et il monta au 3e étage. Un domestique en tablier blanc qui nettoyait l'entrée l'introduisit dans un petit salon où se trouvait une table servie, et lui dit que Madame Beaujonnier était en ce moment occupée mais qu'elle allait venir bientôt. Machinalement, le marquis regarda cette table. Elle était étrangement servie. Sur une serviette sale, recouvrant le tapis, était posé un pot de rillettes, une boîte de sardines et une bouteille de pale ale, un déjeuner acheté chez l'épicier du coin. Tout à coup, un bruit de voix frappa ses oreilles venant de la pièce voisine, celle de Madame Beaujonnier et une autre qui lui était inconnue. « J'attendrai encore jusqu'à demain, » disait cette voix. « Si demain vous ne payez pas, je vous expulse. Vous n'avez pas besoin de me faire ces yeux-là. Avec moi, ce sont des manières perdues. Je ne me laisse pas payer avec cette monnaie. » Il ne convenait pas au marquis d'entendre cette conversation, même involontairement. Il frappa à la porte. On l'ouvrit. En le reconnaissant, Madame Beaujonnier rougit jusqu'aux cheveux. « Ah, monsieur le marquis, » murmura-t-elle. Le propriétaire sortit en saluant tout bas, et le marquis put dire ce qu'il avait à dire. Puis au moment de partir, posant quelques billets de banque sur sa cheminée, « Au moment d'un départ, dit-il, on a quelquefois des achats à faire. Permettez-moi de vous avancer cet acompte sur vos appointements. À demain. » Le lendemain, à 10 heures, Madame Beaujoni arriva seule à la gare Montparnasse. Son mari ne l'avait pas accompagnée. Et elle trouva le marquis de Nice qui l'attendait. Le domestique du marquis alla au-devant d'elle pour lui présenter son billet et s'occuper de ses bagages. Il consistait, ses bagages, en une seule malle. Quand on la mit sur la bascule, le facteur annonça 12 kilos. Alors le domestique, qui était un homme respectueux, se mit à rire silencieusement. 12 kilos, l'institutrice. Elle n'avait donc pas de chemise.